Chapitre 3e. Geneviève, ce soir-là, s'était donc rendue secrètement chez Joey. Avec l'aide de Lottie, une des sœurs de son fiancé, et qui était complice, elle avait enfilé sous ses jupons un pantalon d'homme appartenant à Joey. Après quoi Lottie, s'accroupissant, replia le bas des jambes qui étaient trop longues. Puis les deux femmes descendirent ensemble à la cuisine où Joey les attendait. Sa figure s'illumina de joie quand il vit apparaître la jeune fille, et un rayon d'amour brilla dans ses yeux. « Bien, très bien, » dit-il, « c'est parfait ainsi. » Maintenant, Lottie relève-lui ses jupes avec des épingles. « Voici un grand manteau pour envelopper le tout. Essaye-le, Geneviève. Je l'ai emprunté à un camarade d'atelier qui est complaisant. C'est un petit homme. Il vous va, semble-t-il, à ravir. » Il aida Geneviève à revêtir le dit par-dessus, qui lui tombait jusqu'au talon, et lui saillait comme s'il avait été exécuté sur mesure par le meilleur des tailleurs. Puis, l'ayant coiffé d'une casquette, il releva vers celle-ci le vaste col du par-dessus, enveloppant et cachant complètement les cheveux de la jeune fille. Joey boutonna le col, dont les deux pointes couvrirent les joues de Geneviève, et firent d'obscures profondeurs disparaître son menton et sa bouche. On n'apercevait plus, en y regardant de tout près, que deux yeux qui brillaient dans l'ombre et un petit bout de nez qui proéminait légèrement. Ainsi accoutrée, Geneviève se mit à marcher à travers la pièce. Elle était si bien enveloppée que ses pieds et l'extrémité du pantalon apparaissaient seulement lorsqu'un pas, un peu plus large que l'autre, déplaçait le bas du manteau. Joey ne put s'empêcher de rire en contemplant son œuvre. « Un petit homme enrhumé, dit-il, qui s'est soigneusement couvert pour ne point prendre froid. Voilà ce que vous êtes, Geneviève. Avez-vous pris avec vous de l'argent ?» demanda Lottie à la jeune fille. « L'occasion est riche ce soir de rapporter un bon magot. Et sur qui dois-je miser ?» demanda naïvement Geneviève. Le front de Lottie se plissa. « Sur qui ? » s'exclama-t-elle avec colère. « Mais sur mon frère, pardieu ! Il n'est personne qui, pour lui, ne parie 10 contre 6. »« Naturellement, » fit Geneviève avec douceur, « il faut m'excuser, car je suis un peu troublé. Et puis, je n'y connais rien. » Joey, ayant consulté sa montre, annonça qu'il était temps de partir. Lottie se jeta à son cou, l'embrassa en plein sur les lèvres, embrassa aussi Geneviève, et les conduisit tous deux jusqu'à la porte de la rue, le bras passé autour de la taille de son frère. « Que signifie 10 contre 6 ?» interrogea Geneviève, tandis qu'ils s'éloignaient et que le bruit de leurs pas résonnait dans l'air glacé. « Cela veut dire, répondit Joey, que je suis considéré comme le meilleur champion. Je suis grand favori. Lorsqu'un spectateur parie 6 $ que je serai battu, un autre en parie 10 que je serai vainqueur. Voilà. « Mais, objecta la jeune fille, si vous êtes tenu par tous pour le meilleur champion, comment y a-t-il des gens pour miser contre vous ?»« C'est là, justement, » dit-il en riant, « ce qui constitue l'attrait de la rencontre et celui des paris engagés. Il y a toujours le risque d'un beau coup inattendu de la part du partenaire le moins coté, le hasard d'un accident chez le favori. » Il ajouta gravement, « tout est plein de risques, ici-bas. » Geneviève, effrayée, se serra tout contre son fiancé, comme si elle voulût le protéger d'un éventuel danger. Mais Joey, reprenant sa bonne humeur et sa confiance en lui, se hâta de rassurer sa compagne. « Vous verrez tout cela de près tout à l'heure, et ne vous effrayez pas sans motif. Les débuts sont le plus souvent déconcertants. Les premiers rounds ont avec Ponta quelque chose de terrible. C'est là qu'il excelle. Il se bat sauvagement et tape comme un sourd, de droite, de gauche, en tourbillon. D'ordinaire, il a immédiatement son homme. Il a battu ainsi nombre d'adversaires, plus adroits en fait, et meilleurs que lui. Le principal est de tenir d'abord. Vous me verrez résister et le lasser. Puis j'attaquerai à mon tour. Alors, l'enfer sera déchaîné. Vous regarderez bien, et quand vous me verrez me jeter sur lui, ce sera signe que je vais prendre ma revanche. Ce sera moi à le tenir. » Ils arrivèrent dans une rue obscure, devant une maison où une pancarte indiquait un institut de culture physique. Ceci pour paraître officiellement règle avec les règlements de police. C'était le club. Joey s'écarta de Geneviève. « Promenez-vous un peu, dit-il, de long en large sur le trottoir, vos deux mains dans vos poches, et n'ayez l'air de rien. C'est l'affaire de 2 minutes. » Il alla vers le contrôleur qui était debout à la porte du club et qui causait avec le policeman de service. Les deux hommes se saluèrent familièrement. « J'ai là, dit-il, un jeune ami que j'ai amené. Laissez-le passer avec moi, voulez-vous ? » Le contrôleur et le policeman consentirent d'un signe de tête, et Geneviève entra avec Joey sans qu'il l'eût seulement regardé. « Vous voyez ? » dit-il à Geneviève, tandis qu'il montait un escalier intérieur. « Ils sont pour moi pleins de complaisance. Ils n'y ont vu que du feu. Et même s'ils avaient découvert que vous êtes une femme, ils se seraient tus pour m'être agréable. » Il la poussa dans une petite pièce, qui avait l'apparence d'un bureau, et l'y laissa seule sur une chaise défoncée et poussiéreuse. Quand il revint 5 minutes après, il était enveloppé dans un long peignoir et avait aux pieds des espadrilles. Elle courut à lui toute frémissante et se blottit contre sa poitrine tandis qu'il l'enlaçait gentiment. « J'ai fait, dit-il, afin de la rassurer, le nécessaire pour que vous puissiez tout voir, sans ennui de personne. Tout pour vous ira bien. » Elle répondit, « Oh, si je tremble ainsi, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous que je crains. » Il la regarda avec étonnement. Le prodige de la femme éclatait à ses yeux d'une gloire insoupçonnée. La timide jeune fille qui était Geneviève était soudain, en ce qui la concernait, devenue forte. Elle bravait sans peur la réprobation qui irait à elle, si son identité était découverte. Toute l'émotion qui la secouait, de la tête aux pieds, allait à lui. Il l'étreignit longuement, en silence, puis murmura. « C'est pour moi que vous tremblez. » Un coup sec fut à cet instant frappé à la porte et une voix, plus sèche encore, cria « Allons, allons, grouillez-vous, Joey !» Ce qui le ramena à la réalité. « Vite, Geneviève, un dernier baiser, et comptez sur moi. Je me battrai ce soir comme jamais je ne l'ai fait, puisque je saurai que vous êtes là, à me regarder. » Elle le suivit jusque dans un proche couloir, où ils se séparèrent, et où les lèvres encore chaudes du baiser d'adieu de Joey, elle se trouva, l'instant d'après, entraînée par un flot de gens qui se bousculaient sans faire attention à elle. Nombre de ces gens avaient, pour se mettre à l'aise, retiré leurs vestes et retroussé les manches de leurs chemises. Avec eux, elle entra dans la salle qui était déjà bondée et où ils s'essaimèrent. Cette salle, mal éclairée, avait l'aspect d'une grange et l'atmosphère enfumée de tabac y déformait étrangement toute chose. Geneviève se sentait prête à suffoquer. C'était un brouhaha de basses masculines, d'où montaient les voix perçantes des petits marchands de programmes et d'eau de sels. Un croupier offrait aux amateurs de faire leur jeu sur Joey Fleming à 10-6. La voix était monotone et Geneviève trouva qu'elle manquait d'enthousiasme. Elle en frissonna. Un autre frisson la saisit et le sang lui monta au visage, en se voyant seule dans ce repère d'hommes interdit aux femmes. Elle avait, pour venir jusqu'ici, brisé les liens sociaux coutumiers et, pour risquer cette aventure inconnue, romanesque et redoutable, rompu en visière avec la tyrannie de Mrs. Grundy. L'instant d'avant, elle ne songeait qu'à Joey. Maintenant, elle s'effrayait pour elle-même. Machinalement, et comme d'autres faisaient, elle escalada une demi-douzaine de marches jusqu'à une petite loge, déjà si bondée qu'on y étouffait littéralement. À peine était-elle là depuis quelques instants qu'un jeune homme, venant à elle, lui dit, d'une voix impérieuse et rude, « Eh vous, suivez-moi !» Elle obéit, et sur les talons de son guide, suivie de près par un autre homme qui semblait avoir mission de veiller sur elle, elle redescendit les gradins jusqu'aux cordes du ring. Elle remarqua que celui-ci était recouvert d'une toile rembourrée. Se frayant un passage parmi la foule des spectateurs, son guide la conduisit jusqu'à une chambre située de plein pied avec le ring à l'une des extrémités de l'enceinte. Quand elle fut rentrée, il lui dit « Maintenant, ne bougez plus d'ici jusqu'à ce que moi ou Joey nous venions vous chercher. » Et lui désignant un trou dans la cloison, « Par là, ajouta-t-il, vous verrez tout. »